après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des Saguenay de Scoutimi. Notre collaborateur Jean Gosselin est très en demande. Il se trouve actuellement dans les studios de TVA. Évidemment, on l'a invité ce matin pour parler probablement du dossier de l'heure au niveau de la publicité, du marketing. C'est évidemment l'annonce qui a été faite plus tôt cette semaine que Nike s'est associé avec le carrière Colin Kaepernick pour une campagne publicitaire. Évidemment, ça, Colin Kaepernick polarise et on en parle avec Jean Gosselin. Bon matin, Jean. Bonjour, bon matin. Jean, d'abord, je vais te poser la même question que TVA, on t'a posé tout à l'heure. C'est un, en publicité, on dit parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis je pense que Nike, à quelque part, ils ont réussi un coup de circuit. Ah, c'est effectivement un des bons coups de l'année, sinon probablement de la décennie. Effectivement, parlez-en bien, parlez-en mal, mais encore faut-il que ça nous aide dans nos objectifs de vente, dans nos objectifs de positionnement de marque, parce que la controverse n'est pas nécessairement négative pour une entreprise, pour une marque, mais encore faut-il qu'elle soit contrôlée ou qu'on contrôle notre présence au sein de cette controverse-là et que notre présence soit significative pour notre marché, ceux à qui on veut dans le communique, ceux à qui on veut vendre des vêtements, des souliers. Et dans ce cas-ci, Nike, effectivement, profite d'une controverse, profite d'un de ses ambassadeurs qui est au cœur de cette controverse, il l'a même créé, pour effectivement bien se positionner et marquer le coup. OK. Dites-moi, Nike, depuis hier, ont perdu 2%. L'action de Nike a perdu 2%. Et également, ben, évidemment, il y a des gens qui sont furieux. Il y en a même qui ont jeté leurs espadrilles. Mais à quelque part, Nike le savait. Nike avait tout préparé ça. Tout était prévu. Le recul de l'action, qui est somme toute très minime. Vous savez, Nike 2%. A gagné au cours de 2%. De 2%, bon, ça peut paraître gros comme ça, mais au cours de la dernière année, Nike a gagné près de 50% dans la valeur de son action. Donc, un petit recul de 2%. Et quand on regarde les autres compagnies de souliers, la même journée, ont aussi connu un recul. Donc, probablement que les analystes financiers pourraient nous dire qu'il y avait d'autres facteurs qui ont amené cela. Et quant aux insatisfaits, ben évidemment, c'est reconnu. L'insatisfaction est toujours plus visible. Ceux qui ne sont pas contents sont toujours plus déterminés à le faire savoir que ceux qui sont en accord avec le geste. Et en même temps, ben, ça nourrit la controverse. Ça ne fait que renforcer le message auprès des partisans de Nike que leur choix est le bon et que ceux, finalement, qui sont contre cette initiative-là, ben finalement, représentent pas les valeurs que les clients de Nike ont de façon générale. Évidemment, Donald Trump, il est haïssable. Il est vraiment haïssable. Il a commenté. Il s'est pas empêché de commenter. Il peut pas s'empêcher de parler sur Twitter. Évidemment, il a condamné un petit peu la campagne publicitaire. Les gens qui haïssent Trump, est-ce qu'ils vont se rallier? Donc, cette campagne-là va polariser, là. Ben, c'est évident que c'est polarisant. Le dossier des, ce qu'on appelle aux États-Unis des droits civiques, de la cause des Noirs, est un dossier qui est de toute façon polarisant. Le pari de Nike, c'est qu'il y ait plus de gens sympathiques à la cause qu'antipathiques et que ces gens-là soient éventuellement des acheteurs de produits Nike. En même temps, ceux qui sont contre le seront toujours de toute façon. Donc, le calcul est là et pour, oui, quelques réactions négatives, il y aura certainement des réactions positives. C'est anecdotique, mais ce matin, en attendant mon entrevue à Salut Bonjour, j'osais avec quelqu'un qui dit « Moi, j'avais arrêté d'acheter Nike il y a quelques années parce que ils avaient eu des problèmes avec le travail des enfants dans des usines en Asie, ces choses-là. Ben, » aujourd'hui, à cause de ça, je vais me mettre à racheter des produits Nike. Donc, on en perd un de façon publique, mais on en gagne certainement plusieurs de façon derrière les rideaux, entre guillemets. Et le prochain rapport de vente de Nike devrait nous donner une bonne indication de l'effet de cette campagne. Colin Kaepernick. Dans le cas de Kaepernick, écoute, lui aussi polarise. La preuve, il s'est pas retrouvé un travail actuellement dans la Ligue nationale de football. Son cas est en appel. Évidemment, il y a une plainte qui a été logée. Il a gagné la première bataille. Est-ce que vous pensez que, écoute, les propriétaires de la NFL sont très, très conservateurs? Pensez-vous que dans le cas de Colin Kaepernick, ça peut lui nuire ou ça n'a pas d'importance? Ben, d'un point de vue football, ça reste à voir parce qu'évidemment, il y a la question de la poursuite qui est présentement en cours. Il y a évidemment la carrière d'un joueur de football, elle est relativement courte de toute façon. Moi, je pense qu'à moyen et long terme, Kaepernick devrait être probablement sortir gagnant de ça, parce qu'on va se rappeler davantage de lui pour sa contribution à l'avancement de la cause que pour ce qu'il aurait pu faire comme joueur de la NFL. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas le joueur que c'est pas nécessairement un joueur qui était promis au temps de la renommée. Non, mais avec les carrières, avec la faiblesse des carrières et le manque de profondeur, il a sa place dans la NFL encore. Ah, ça là-dessus, c'est incontestable, mais ouais. Ce qui est certain, c'est que bien longtemps après l'année où il aurait eu pris sa carrière, on va encore continuer à parler de lui, il va être encore invité, il va encore jouer un rôle sur la place publique, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si il était resté simplement un joueur de football ou si bon soit-il. En tout cas, on a bien hâte d'avoir l'action de Nike, ça fait parler évidemment, et c'est vraiment un bon coup au niveau publicitaire. Jean-Gosselin, gros merci, on se reparle. Bonne fin de journée, merci. Jean Gosselin, spécialiste de marketing sportif.